J'suis en peinant, j'suis dans la suite, j'suis tout en haut, dans le building. Si tu savais, si tu savais, les vrais, les faux, j'ai fait le tri. Tu me verras plus, à part en clip, non plus jamais. Des larmes séchées, la famille d'entière. Au-dessus de vos commentaires, j'entends que ça parle de moi, pas de mon mieux, j'essaie. Dans ma bulle, dans ma sphère, dans mes sons, j'suis sincère. J'entends que ça parle de moi, pas de mon mieux, j'essaie. J'regarde les gratte-ciels, lumière brille dans le ciel. J'vois des étincelles, j'vois des étincelles. J'regarde les gratte-ciels, lumière brille dans le ciel. J'vois des étincelles, j'vois des étincelles. T'as fait ta dée, tant pis. Moi j't'ai rayé de ma vie. Tu m'as promis des trucs de dingue, de fou. Je peux jamais te revoir un point, c'est tout. Étoile brille dans la nuit. J'ai fait mon chemin sans faire de bruit. Si tu savais, si tu savais, je travaille dur, rien n'est gratuit. Je reviendrai pas, tout est écrit. Et tu le sais, tes larmes faut sécher. Oui, désert, je roule des heures. Je sais pas trop ce que j'espère. Si j'étais loin de là, si j'étais loin de là. Plus de sourire, mon cœur. Mais ça reste moi qui gère. Je le fais pas si je sens pas. Je le fais pas si je sens pas. Je regarde les gratte-ciels, lumière brille dans le ciel. J'vois des étincelles, j'vois des étincelles. J'regarde les gratte-ciels, lumière brille dans le ciel. J'vois des étincelles, j'vois des étincelles. T'as fait ta dée, tant pis. Moi j't'ai rayé de ma vie. Tu m'as promis des trucs de dingue, de fou. Je peux jamais te revoir un peu.